Du lundi au vendredi à 14h, c'est Culture Science. Aujourd'hui, la marche des sciences. Aurélie Luneau. C'est très difficile d'être à la fois scientifique et littéraire. Eh bien, faites de l'histoire des sciences et vous serez les deux. J'ai toujours rêvé de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans la Marche des sciences, émission Grand Portrait consacrée aujourd'hui à Michel Serres. C'est un philosophe au sens le plus ancien du terme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pensée sans altérité, sans présence de l'autre. En ça, il est l'héritier des grands philosophes qui travaillaient toujours avec et devant les autres. Héritier des grands philosophes, Michel Serres l'est incontestablement. Homme du 21e siècle, certes, et même du 22e, mais porteur d'une culture qui embrasse toutes les sciences. Un penseur du monde de demain, pour qui penser, c'est anticiper. C'est très difficile d'être à la fois scientifique et littéraire, et faites de l'histoire des sciences, et vous serez les deux. C'est ce conseil donné par notre invité il y a quelques années sur les antennes de Radio France, que nous vous faisons entendre chaque semaine et qui est devenu, on peut le dire, la devise de l'émission. Aussi, c'est sous ce sage précepte, et non sans plaisir, que nous avons convié Michel Serres à jouer le jeu du grand portrait dans la marche des sciences, arpenter avec lui son univers, ses pensées et le monde d'aujourd'hui et de demain, un univers dont le grand récit se déploie sur 15 milliards d'années. Être pantope à ses côtés, apprendre de toutes les sciences avec lui, qui sait si bien faire le pont entre tous les savoirs. Rencontre donc aujourd'hui sur France Culture avec le philosophe, écrivain, mathématicien, historien des sciences, académicien Michel Serres, dont le dernier livre s'intitule « Yeux », paru aux éditions du Pommier, une émission qui sera émaillée de quelques archives sonores de l'INA, dénichées par Anaï Morales et Sandra Escamez, et préparée avec Céline Duchesnay, ici présente, qui a réalisé des interviews surprises pour notre invité, Michel Serres, devant et derrière les paravents de la marche des sciences. Michel Serres est un philosophe au bon vieux sens du terme de philosophe, depuis l'Antiquité jusqu'à la fin du XIXe siècle, puisque ça a un petit peu changé à notre époque. C'est-à-dire un philosophe, c'est quelqu'un qui a les clartés de tout, comme on disait, mais non pas comme un dilettante, mais comme réellement quelqu'un qui a besoin, dans son travail et dans sa réflexion philosophique, de convoquer les autres disciplines, ou quasiment la totalité des savoirs. Et Michel Serres fait justement, parce qu'il est un philosophe de cette nature, déplore sans arrêt la coupure entre les sciences dites humaines et les sciences dites dures, ou les sciences physiques, etc., disant qu'un vrai philosophe est obligé, évidemment, de pratiquer les deux langages. Bonjour Michel Serres. Bonjour. Vous avez peut-être et certainement reconnu cette voix. Oui, j'ai reconnu des voix, en effet. Oui. Oui. Et donc là, on vient d'entendre... Christiane Frémont. Exactement. Christiane Frémont, qui est une très bonne spécialiste de Leibniz et qui a écrit des livres immortels sur cette question. Et je me tourne vers Céline Duchesnay. Bonjour Céline. Bonjour Aurélie. Parce que vous avez sollicité, comme ça, on va les entendre dans l'émission, quelques proches de notre invité. Oui, voilà, on pourrait aussi préciser qu'elle est chargée de recherche en philosophie au CNRS, oui. Qu'elle est directrice des publications du corpus des œuvres, oui, de philosophie en langue française qu'elle a démarré avec vous, Michel Serres, chez Fayard en 84. Exact. Et puis aussi, c'est une de vos anciennes étudiantes. C'est ça. Elle a suivi vos cours à la Sorbonne dès les années 70 jusqu'à votre retraite, m'a-t-elle dit. Exactement, exactement. Et je suis très reconnaissant parce que elle a beaucoup travaillé avec moi sur le corpus des philosophes en langue française. Et je disais même que c'était le corpus et elle n'était l'âme. Voilà, c'était l'âme de ce corpus-là. Et donc, elle était spécialiste de la philosophie du 19e, mais elle est devenue une spécialiste assez large maintenant de toute l'histoire de la philosophie, au moins de langue française. Voilà. Et comme elle le disait donc à l'instant, Michel Serres, un philosophe doit pratiquer les deux langages, science et littérature. C'est aussi, vous l'avez compris, la devise de l'émission. Est-ce qu'il y a là un regret peut-être aussi de l'époque du savant universitaire ? On devrait tous être des tiers instruits. Hein, c'est... Oui, c'est ça. J'avais écrit autrefois un livre, il y a plus de 25 ans, qui s'appelait « Le tiers instruit » pour justement appeler... Parce que, hélas, dans toutes les universités du monde, pas seulement en France, on sépare soigneusement deux populations, les scientifiques d'un côté et les littéraires de l'autre. Et c'est très très dommageable parce que, à des faits, les scientifiques sont très pointus dans leurs spécialités respectives, mais ils sont le plus souvent ignorants de la culture. Et d'autre part, les gens cultivés sont complètement ignorants de la science. Et ça donne au milieu une sorte d'écart impossible. Or, en effet, aujourd'hui, si vous voulez être humaniste, c'est-à-dire si vous voulez comprendre le monde contemporain, vous ne pouvez pas faire l'économie des sciences. Parce que précisément, au moins depuis la Seconde Guerre mondiale, la science a complètement changé, complètement bouleversé. Comment vous dire ? Je crois que j'ai eu la chance d'assister à beaucoup de révolutions. Par exemple, j'ai assisté à deux révolutions mathématiques. Mathématiques classiques, mathématiques modernes, et puis le passage au numérique, c'est-à-dire à l'algorithmique, si vous voulez. Ensuite, en physique, on a connu la révolution de la théorie de l'information. Hein, et surtout, en biologie, on a découvert, vers les années 50-60, l'ADN, etc., toute la biochimie. Par conséquent, tout l'univers a complètement changé, y compris l'astrophysique. Par conséquent, il y a un nouveau monde qui est né dans les années 45-50, et si on ignore ce monde-là, on est hors monde, vous voyez. Par conséquent, vous avez raison, il faut en effet faire une sorte de réconciliation. Et en ce moment, je crois qu'il y a un projet d'une faculté des sciences humaines au nord de Paris qui s'appellerait Condorcet et qui serait séparée par la taille de Paris de la faculté du sud qui s'appelle Orsay, où on fait des sciences dures. Vous voyez, c'est-à-dire, cette espèce de divorce est encore plus accompli. Ah oui, de fossé. Et vraiment, c'est affreux. Et ne croyez pas que c'est propre à la France. J'enseigne aux États-Unis depuis déjà une cinquantaine d'années, et c'est la même chose, c'est même encore plus accusé, vous voyez. Et là, il y a quand même une sorte d'obligation philosophique de faire cette sorte de réconciliation, vous voyez. Et évidemment, elle est impossible, parce que quand vous faites l'éloge de quelqu'un qui connaît toutes les sciences, ça fait rigoler tout le monde. C'est impossible, mais il faut le faire. Voilà. Et en même temps, le conseil que vous donnez, c'est bien, faites de l'histoire des sciences, et vous serez les deux, scientifiques et littéraires. Ce qui est intéressant, oui. Michel Serres, dans votre parcours, c'est aussi, quand on donne vos titres, on parle souvent de vous comme philosophe, philosophe des sciences, écrivain, académicien, etc., mais on cite rarement historien des sciences. Oui, c'est-à-dire, ça a été mon métier toute ma vie. J'ai enseigné l'histoire des sciences à la Sorbonne et puis aussi à Stanford en Amérique. Et l'histoire des sciences est intéressante parce que précisément, elle plonge les sciences dans l'univers humain, si vous voulez, c'est-à-dire dans le développement tel qu'il se fait en réalité. Vous voyez, on ne peut pas comprendre tel et tel type de science. Écoutez, je me souviens très bien avoir été bombardé quand j'étais jeune dans une classe de taupes. Vous savez, les préparations à la polytechnique. Et alors, évidemment, ils méprisaient beaucoup la philosophie, puisque c'était des scientifiques. Alors, je les ai eus en leur demandant simplement « Donnez-moi le programme de mathématiques de polytechnique. » Alors, ils m'ont donné le programme. J'avais à cette époque-là 21 ans, évidemment. Et je l'ai daté. Alors, j'ai dit « Vous savez, ce que vous apprenez là, c'est le 5e siècle avant Jésus-Christ. Ce que vous apprenez là, c'est le 17e siècle. Ce que vous apprenez là, c'est le 18e. Et tout ce que vous avez de moderne, c'est à peine le début du 19e siècle. » Ils étaient absolument humiliés, vous voyez. Et j'ai dit, mais c'est ça votre, la science. La science a une histoire. Oui. Et voilà. Et du coup, vous voyez, ils s'intéressaient tout d'un coup de manière différente à la science qu'ils étudiaient. Et ils voyaient très bien qu'elle pouvait être datée et qu'elle avait évidemment une sorte de projection humaine. Vous voyez. En tout cas, vous nous proposez dans vos écrits, Michel Serres, dans votre pensée, une pluralité d'êtres. Hein, le pantope, donc le tiers instruit, etc. La petite poussette, en tout cas, voilà. C'est ma dernière née. Exactement. Oui, oui, oui. Et donc, pas de concept, hein, pas d'école créée, mais des exemples, des événements dans vos livres. Et puis, ces personnages qui portent vos idées, votre pensée, qui incarnent vraiment le devenir du monde. Alors, on vous dit de caractère joyeux, espiègle, on peut le confirmer. Et en même temps, certains qui vous connaissent bien disent, vous avez une pensée inventive, mais qui reste crypté par écrit. Vous avez ce sentiment-là d'être un formidable passeur de science oralement et puis d'avoir dans l'écrit oui, une autre façon d'être. C'est un reproche qui m'a été fait de façon constante pendant des dizaines d'années et qu'on continue à me faire. Mais je crois qu'il y a une distance quand même entre l'oral et l'écrit. Lorsque vous expliquez même un théorème difficile, vous pouvez reprendre, vous pouvez répondre aux questions, etc. Quand vous êtes dans l'écriture, vous êtes lié à quelque chose tout de même qu'on appelle le style, à quelque chose qu'on appelle l'expression écrite, etc. Et peut-être à quelque chose qu'on appelle la beauté. Un écrivain qui écrirait sans souci de la beauté du style, ne serait pas un écrivain, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et par conséquent, peut-être là, ce reproche est-il justifié? Alors, dans ce cas-là, s'il y a une distance entre l'oral et l'écrit, eh bien, je conseille violemment à ceux qui m'écrivent de me lire à haute voix. Tout simplement, ça fera de l'oral. Alors, concernant le langage, l'écriture, je vous propose d'écouter rapidement à nouveau Christiane Frémont. Elle s'est exprimée auprès de Céline, bien sûr, sur cette écriture qui est la vôtre. Il faudrait aussi parler de la langue, de la langue française, parce que c'est un styliste, enfin, styliste. C'est réducteur de dire ça. C'est quelqu'un qui écrit de façon vraiment assez extraordinaire. C'est-à-dire que tout est vraiment voulu. Tout est calculé. C'est une vraie écriture. C'est un vrai travail d'écrivain. Savez-vous que Michel Serres, lorsqu'il écrit, il compte les syllabes, il compte les sons. Il fait attention au nombre, aux sonorités, à la couleur des mots. Enfin, c'est quelqu'un qui travaille la langue française comme il travaille un champ. Enfin, comme un paysan travaillerait un champ. Michel Serres, c'est vrai. On ne peut pas écrire des phrases sans savoir qu'il y a des voyelles et des consonnes. Les voyelles, c'est des voix. On ne peut pas mettre des i ou des o ou des a de manière aléatoire, bien entendu. Et ainsi pour les consonnes, ainsi pour les pieds, etc. Le rythme même de la phrase. Ce que Flaubert appelait le gueuloir. Vous voyez, un écrivain passe par son gueuloir. Et donc, je crois, en effet, qu'il faut travailler la langue. Alors, elle dit comme un chant pour un paysan, je dirais presque comme du marbre ou de l'acier pour un sculpteur. C'est dur, vous savez, la langue. C'est très, très dur. Allez, je me tourne vers Céline pour entrer encore plus dans votre caractère, votre façon d'être à travers un autre témoignage. Bien voilà, je suis allée voir Sven Ortoli, qui est donc journaliste et auteur, qui est le créateur de Science et Vie Junior, rédacteur en chef des numéros spéciaux de Philosophie Magazine. Alors c'est avec lui, Michel Serres, que vous avez publié Pantopie de Hermès à Petite Poussette, un livre d'entretien aussi mené avec Martin Legros et qui retrace l'ensemble de votre œuvre. Sven Ortoli. Le premier trait de caractère qui me vient à l'esprit, c'est un amoureux. C'est un amoureux de la vie, c'est un curieux de la vie, c'est-à-dire qu'il a la qualité nécessaire, pas suffisante, mais nécessaire pour chercher, que ce soit en science, que ce soit en philosophie. C'est un homme qui est en quête de quelque chose, qui a toujours été en quête, c'est évidemment le fait d'être en quête qui l'anime. Ensuite, je dirais que c'est quelqu'un qui a un gros moteur et beaucoup d'essence. C'est-à-dire qu'il a un cerveau qui est vraiment très puissant. Et puis, il a l'essence pour faire rouler la voiture. Une fois qu'on a dit ça, il a la curiosité, qu'est-ce qu'il en fait? Il a la curiosité, il a cet appétit. Son désir à lui, son désir de connaissance, qui est un désir qui dépasse évidemment la connaissance, c'est un désir, on sait qu'on est inégalement réparti en termes de désir, ben lui il en a beaucoup. Ça se sent dans ses écrits, ça se sent dans sa manière de vivre, ça se sent dans ses regrets, ça se sent dans ses espoirs, et cette curiosité qui va aussi bien dans le domaine des sciences que dans le domaine de la philosophie. Autrement dit, c'est un homme de passerelle, c'est un homme de pont, ou pour être encore plus précis, c'est un homme de carrefour, parce qu'il n'est pas seulement dans une relation binaire entre science d'une part, philosophie de l'autre. Il a l'oreille, il a le nez au vent. Donc Michel, il est un peu à ce carrefour, et je crois que c'est ça qui va structurer, qui va dessiner un petit peu toute sa pensée. Michel Serres. Ça m'impressionne beaucoup qu'on parle de moi, mais enfin, c'est très difficile à supporter, bien sûr. Mais pour le carrefour, c'est vrai, parce que le premier personnage, justement, que j'ai mis en scène, si vous voulez, c'était Hermès. Et Hermès est le dieu de la communication, comme vous savez, le dieu des voleurs, le dieu des commerçants, etc. Mais auparavant, dans la plus haute antiquité grecque, on disait un Hermès pour dire l'espèce de pierre miliaire qui servait de borne Michelin, si vous voulez. C'était la borne ou l'endroit où, précisément, on changeait de direction ou on bifurquait, vous voyez. Et j'ai souvent pensé, en effet, que pour inventer, penser c'est inventer, comme vous le savez, autrement c'est des répétitions, il y avait toujours une bifurcation qui était là. Vous voyez, on change de direction, un peu si vous voulez, comme chez Lucrèce, les atomes tombent et tout d'un coup, pom, et ils font une sorte d'écart à l'équilibre, comme disent les physiciens aujourd'hui, et c'est cet écart à l'équilibre qui crée un nouveau monde. Vous voyez, et donc, la présence d'Hermès à un carrefour, le carrefour est vraiment intéressant du point de vue de cet écart, de cette bifurcation, de cette désobéissance finalement à ce qu'on pense d'habitude. ce carrefour des savoirs, on le ressent dans vos œuvres d'une manière générale, Michel Serres, et notamment encore dans ce livre « Yeux » dont on va parler, parce que à l'instant, Sven Ortoli disait « Vous avez l'oreille et le nez au vent ». Alors, moi, c'est vrai qu'en lisant vos travaux, j'ai le sentiment que dans votre parcours, on ressent les cinq sens déjà, la vue, l'odorat, oui, la parole, l'ouïe, le toucher, et également les éléments. L'eau, l'air, la terre, le vent, le feu. Et le tout monde, ça, et voilà. Et tout ça, ça se croise. Alors, votre dernier livre s'intitule donc « Yeux » est paru aux éditions du Pommier. Alors, pour mieux voir, j'imagine, le monde, les autres, en sachant que nous avons tous quand même une faculté propre à regarder autour de nous. Alors, est-ce que vous avez le sentiment comme ça d'être une vigie? Alors, justement, dans yeux, et c'est très difficile à prononcer, vous voyez bien. C'est, d'ailleurs, les commerciaux de la maison d'édition étaient furieux contre ce titre-là, « Yeux ». Pourtant, j'adore ce titre-là, voilà. Alors, dans ce livre-là, précisément, si c'était un livre sur la vue ou sur le regard, ça serait un livre ordinaire sur les images qu'on peut avoir du monde. Bon, ça, c'est nous qui voyons. Essayer autre chose, c'est-à-dire, je me suis dit, s'il y avait un milliardaire parmi ceux qui m'écoutent aujourd'hui, je leur demanderais bien un peu d'argent pour ouvrir un nouveau musée. Alors, quand on rentre dans un musée, on voit quoi? On voit des tableaux de maîtres, c'est-à-dire des visions assez profondes et décisives souvent du monde tel que les hommes le voient. Ah oui, mais c'est pas ce musée que je voudrais voir, moi. Je voudrais rentrer dans un musée où chaque toile serait la vision de quelque chose ou d'un monde tel que le voit un crapaud, un crotal, une colombe, un aigle, un poisson, un taureau, vous voyez? Et en effet, tous ces animaux voient un monde. Et c'est pas le même monde que le nôtre. Je sais bien que vous ne voyez pas le même monde que moi, qu'un paysan ne voit pas le même monde qu'un parisien, qu'un quacute ne voit pas le même monde qu'un occidental. D'accord, mais c'est toujours le monde humain. Et on l'a en partage. Et c'est notre monde. Et par conséquent, ce que je voudrais, moi, dire, mais ce monde-là, est-ce que nous sommes assurés que c'est le vrai? Et non, parce que quand même, il y a des mondes vu par infiniment d'autres yeux. Et c'est les autres yeux que je voulais décrire dans ce livre-là. Non seulement d'ailleurs les yeux de ces animaux dont je viens de parler, que ce soit un serpent, un oiseau ou un quadrupède, mais aussi les lacs, mais aussi les feuilles d'arbres, mais aussi les feuilles d'automne qui traînent dans la et qui reflètent la lumière, vous voyez. Ce reflet de la lumière, c'est pas une vue, bien sûr, mais c'est quand même un traitement de la lumière, vous voyez ce que je veux dire. Et par conséquent, il y a dans mon livre, donc, une sorte de vision du monde, mais d'un monde complet. Un monde vu par tous, mais pas par tous les hommes. Et ça découvre cette idée que le monde tel qu'on le voit est très narcisse. Et donc mon livre est un coup violent porté au narcissisme humain. Oui, pour une fois, est-ce qu'il y a un monde réel qui serait le monde global vu par tous ceux qui sont dans la nature? Alors, évidemment, à un certain moment, le héros de ce livre, c'est un certain Panoptès, vous avez vu, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Et ce Panoptès, au lieu de dire panoptique, c'est-à-dire qu'il voit tout. Ah non, je dis, c'est tout voit. Non pas je vois tout, mais tout voit, tout et même me voit. Vous voyez? Et là, ça donne du monde une sorte de vision absolument sublime, riche, profonde, etc. et somptueuse. Alors, on va continuer à convoquer d'autres yeux qui vous regardent, vous, ah bon, Michel Serres. Hélas, oui. On entend à nouveau Sven Ortoli, sur un autre trait de votre caractère. C'est intéressant aussi de rappeler qu'il vient d'un milieu à la fois paysan et batelier par son père, petit commerçant, petite épicerie de village par sa mère, travaillant au champ. Donc il a à la fois, il a les mains dans la glaise, il a les mains dans la terre, il a les mains aussi dans le cambouis des machines. Et ça, il ne l'oubliera jamais. D'abord, ça lui pose un certain nombre de problèmes, parce que c'est pas toujours facile, la vie parisienne, la vie anormale cible dans les années 50-60, avec la dominante marxiste, est assez dure. C'est assez dur, au fond, pour la raison essentielle qui est tout ce qui touche au dogme. Le dogme est toujours difficile pour quelqu'un qui est en quête de vérité, quoi. Avec cette culture, ça va lui donner cet aspect de curiosité pour quelque chose qui est très ignoré aujourd'hui, qui est l'histoire un petit peu de la technique, qui est le goût pour la technique, qui est le goût pour... c'est pas seulement le goût pour les sciences, c'est le goût pour les sciences et techniques. C'est quelque chose de fondamental et où se situe l'âme des découvertes. Alors un goût, Michel Serres, hein, qui... Oui, c'est bien de parler de la technique parce que, à des faits, j'ai parlé tout à l'heure des révolutions que j'ai connues et que j'ai presque vécues du point de vue des sciences. Mais j'ai parlé que des sciences dures ou des sciences pures ou même... Mais sur les techniques, vous savez, il se trouve que j'ai eu la chance aussi de vivre pendant 35 à 40 ans dans la Silicon Valley et donc j'ai assisté à la naissance et au développement de ce nouveau monde qu'on appelle les nouvelles technologies. Et là, il y a un monde nouveau qui est né, que j'ai décrit un peu dans Petite Poussette, en effet, mais qui est un monde très original, vous voyez, qui n'a plus rien à voir avec le monde ancien et qui crée une sorte de coupure vraiment dans la civilisation contemporaine. Les Petites Poussettes n'ont pas le même monde que celui de leurs prédécesseurs, vous voyez. Et en même temps, vous restez très optimiste sur le monde qui est le leur. Ben, écoutez, optimiste, ça veut dire que on est entouré de grands paparonchons aujourd'hui, vous savez bien. Mais je pense toujours à ce mot extraordinaire, puisque vous êtes historienne des sciences, de Max Planck. C'est un homme que j'ai beaucoup admiré, tout simplement parce que il ne croyait pas à la science moderne et il s'est converti lui-même en étant obligé d'interpréter les expériences sur le corps noir. Vous vous rappelez de cette affaire? Et donc, c'est lui qui a inventé les quanta, c'est un homme absolument génial. Et vers la fin de sa vie, on lui demandait des choses sur l'histoire des sciences. Et alors, à un moment, il a eu ce mot extraordinaire qui me fait penser à grand-papa Ronchon. Et il dit, vous savez, ce n'est pas tellement parce que la physique fait des expériences justes ou que les mathématiques démontrent des vérités rigoureuses que la science fait des progrès. Non. C'est parce que la génération d'avant prend sa retraite. C'est magnifique, n'est-ce pas? Parce que lui était vraiment de la génération d'avant. Il a été obligé de prendre... à l'intérieur de lui-même, sa propre retraite. Il croyait à la continuité, paf, il faut obligé de penser à la discontinuité. Et vous voyez, il croyait à la physique déterministe, bam, il est obligé de penser que Dieu joue au dé, justement, contre Einstein, etc. Vous voyez. Et donc, ce mot-là m'a paru toujours assez profond. En tout cas, ce que dit aussi Sven Hortolis, c'est que il y a des racines et des origines qui vous ont construit, qui expliquent qui vous êtes aussi et quelle est votre pensée, Michel Serres. Et vous nous livrez ces éléments là aussi au fil des pages du livre Yeux. Vous dites à un moment, en parlant de la Garonne, « Comme mon enfance coula dans son lit, elle m'a donné le regard propre au marinier. » Et puis vous nous livrez aussi des éléments sur votre famille, hein, en disant que vous êtes né dans une famille qui ne possédait aucun livre et dont la culture se limitait au « Notre Père du soir ». J'entends encore ma mère me regardant lire, crier « Désolé ». Je suis une poule qui a couvé un canard. Et vous citez aussi votre grand-mère qui disait de vous qu'à force de lire, vous étiez dans la lune. En tout cas, c'est vrai que ça, c'est important, ces racines, ces origines. Ça dit aussi beaucoup de ce monde que vous regardez aujourd'hui. Mais c'est-à-dire qu'en effet, si vous avez été élevé dans la Garonne et ensuite dans la mer, parce que de marinier, j'ai voulu faire mieux que mon père, j'ai fait des marins. Vous avez fait naval, De l'eau douce à l'eau salée, si vous voulez. Vous savez qu'il y a, dans l'Église catholique, il y a un sacrement qui s'appelle l'ordre, et quand on crée un prêtre, on dit « tu es prêtre pour l'éternité ». Et c'est un mot qui m'est resté dans la tête lorsque je suis devenu marin. Je n'ai pas été marin très longtemps, quelques années seulement, mais vous savez, quand on était marin quelques années, on est marin pour l'éternité. On reste marin toute sa vie. Il y a quelque chose d'assez profond dans cette affaire-là, qui est plus qu'une éducation, c'est une sorte d'empreinte et d'empreinte définitive. On est dans la mer toute sa vie, on a la tête dans la mer, il n'y a pas de doute là-dessus. On a la tête dans l'eau. Ouais. On le sent dans dans vos écrits, Michel Serres. En tout cas, c'est vrai que pour les auditeurs, je peux rappeler, vous avez fait maths sup, maths spé, naval, parce que, comme vous le dites, il y avait des sciences, de la littérature et de l'histoire. Oui, c'est ça, mélangé déjà, comme chez vous. Voilà, c'est ça. Et puis ensuite, normal sup, lettres donc à Louis le Grand, et puis l'agrégation de philosophie, etc. Donc, mais en tout cas, ce par quoi vous êtes passé, ce qui vous a construit, et dans cet univers, vous dites, j'ai toujours été un petit parmi les petits, mais ces origines et ce refus du pouvoir, vous avez aussi en tête votre père qui était opposé aux études et qui parlait de vos études en disant les conneries de Michel. Oui. C'est vrai qu'il y avait évidemment une difficulté à franchir cette... Mais il y a une autre difficulté que je dis dans l'UE et qui m'intéresse beaucoup. Quand je rentrais à l'école normale, il y avait quelqu'un dans ma promotion qui était aveugle. Et c'était déjà une belle performance que de rentrer à l'école normale section lettres quand on était aveugle. Et ça, c'est pour les yeux, n'est-ce pas? Bon. Et performance encore plus forte, il est sorti agrégé de mathématiques. Il était aveugle, il avait eu la performance de rentrer à l'école littéraire. J'admirais beaucoup cet homme-là. Et il a complètement bifurqué, hein, voilà une bifurcation extraordinaire. Et il a fait la licence de maths, il est sorti agrégé de maths, il est devenu chercheur en mathématiques. Et par conséquent, on s'aperçoit que dans, je le dis dans lieu, être aveugle, c'est-à-dire privé de la vue, n'est pas forcément un handicap décisif du point de vue intellectuel. C'est-à-dire il y a une sorte de vue très curieuse que j'ai d'analyser, qui est la vue intellectuelle. Gauss avait 7 ans, 8 ans, Gauss, le grand mathématicien, il avait 7 ans, 8 ans, il était à l'école primaire. Et l'instituteur le dit, aujourd'hui on va faire quelque chose de très difficile, on va faire une addition. Et l'addition ce sera 1 plus 2 plus 3 plus 9 plus 10, les 10 premiers. Bon, et combien ça fait? Et le petit Gauss se lève, d'un coup il dit 55. Oh, dit l'instituteur, mais comment tu as fait? Ah mais c'est très simple, dit Gauss, vous mettez 1 jusqu'à 10 et en dessous vous mettez 10 jusqu'à 1. Vous faites l'addition, ça fait 10 et 1, 11, 9 et 2, 11, 8 et 3, 11, ça fait toujours 11. 11 multiplié par 10 ça fait 110, divisé par 2 ça fait 55. Il avait vu, vous voyez, il avait vu la séquence jusqu'à 10 et son inverse, et que la somme faisait constante. Vous voyez. Alors il s'assied, l'instituteur évidemment bluffé de cette affaire-là, et puis il se lève 2 minutes après et dit « Mais monsieur l'instituteur, pourquoi on arrêterait à 10? Allons jusqu'à n ?» Et il avait découvert n plus 1 plus 2, c'est-à-dire la somme des n premiers entiers. Il avait 7 ans. Vous voyez, la vue, c'est ça, et oui. L'œil. Et en tout cas, vous, quand vous parlez des mathématiques de Gauss et puis de cette, oui. De cette période de l'école primaire, vous-même, oui. C'est à l'école primaire que vous êtes entré dans les mathématiques. Oui, c'est ça. Ça, on peut aussi le signaler. On ne pourra oui. pas tout raconter, Michel Serre, bien oui. sûr, sur oui. votre parcours. Mais, et puis, autre chose à signaler peut-être, parce que c'est intéressant, le premier auteur qui a fait votre éducation, c'était, vous en souvenez? Qui a fait mon éducation? Jules Verne. Ah oui, ah ben bien sûr. C'était la guerre et on ne pouvait pas voyager. Et par conséquent, la seule manière de voyager, c'était de lire les voyages extraordinaires de Jules Verne. Et alors, ces voyages extraordinaires avaient 3 avantages. Premièrement, on passait par tous les pays du monde. On passait aussi bien en Carélie qu'au Japon, que dans l'océan Pacifique. Qu'est-ce que j'ai voyagé à cette époque-là? C'était formidable. Mais surtout, on voyageait dans toutes les sciences. Parce qu'il y avait la géographie, il y avait l'histoire, mais il y avait aussi l'astronomie, puisqu'on est dans la Lune, comme vous le disiez tout à l'heure. Il y avait la biologie, il y avait etc. Alors évidemment, ce n'était pas des sciences up-to-date, ce n'est pas tout à fait aujourd'hui. Mais enfin bon, on avait ce double voyage, à la fois dans le monde et dans les sciences. C'est déjà un bon programme pour le philosophe, c'est-à-dire voyager dans le monde et voyager dans le savoir. Être passe-partout dans le tour du monde en 80 jours. Et oui, et voilà, passe-partout, c'est précisément le valet de celui qui veut faire le tour du monde en 80 jours. Et c'est Pantop, c'est votre autre personnage. Bon, en tout cas, on peut dire aussi, Michel Serre, que si le monde des lettres ne vous a pas complètement reconnu à votre juste valeur, le monde des sciences... Ça n'a pas d'importance. Oui, non. Le monde des sciences avait vraiment cette alchimie entre vous et cet univers et les scientifiques, elle était bien là. Un monde des sciences qui vous a ouvert les portes, il y avait des rencontres, et notamment rencontre avec cet homme-là, on va l'écouter, à voix nue, 24 juin 1996, je ne vous dis pas qui il est, reconnaissez-le. La science, que les savants le sachent ou non, ils n'en sont pas tous forcément très conscients, la science participe à l'élucidation de la relation de l'homme à l'univers. Les philosophes qui nient la science ou qui la mettent entre parenthèses, comme par exemple Sartre, sont beaucoup moins fréquents de nos jours. Et la tendance des philosophes contemporains, en tant que je sache, est au contraire de tenter d'intégrer la culture scientifique à leur réflexion. France Culture, la marche des sciences. Aurélie Luneau. Alors Michel oui, Serre, c'est Jacques Monod, en effet. Un grand monsieur. Un grand monsieur qui a eu le prix Nobel, justement, à cette époque-là. De médecine en 1965, d'ailleurs. Il suivait mon cours, et je voyais un vieux monsieur, il n'y avait pas la télé à l'époque, et... Je voyais un vieux monsieur dans mon cours, et il suivait mon cours depuis 4 ou 5 fois. Et puis à la fin, il se présente en me disant « J'ai écrit un petit livre, je voudrais bien que vous le lisiez en manuscrit. » Je dis « Encore un emmerdeur, évidemment, bon. » Et puis tout d'un coup, il dit « Je suis Jacques Monod. » Oh, j'ai cru que le ciel me tombait sur la tête. Il me dit « Quel genre de conneries j'ai pu dire depuis 4 ou 5 cours devant ce monsieur-là » Vous voyez, j'étais complètement affolé. Alors il m'a donné Le hasard et la nécessité, ce que c'est en son grand livre, et je l'ai lu en manuscrit, puisque c'est moi qui l'ai, etc. Et à partir de là, nous sommes devenus très très amis jusqu'à sa mort. Oui. Il m'a fait découvrir, c'est lui, vous voyez, qui m'a introduit à tout ce merveilleux apparat qu'est la biochimie. Vous voyez, c'est, il avait découvert le système lactose, etc. avec mon ami Jacob. Vous voyez, et donc, si vous voulez, ça a été une des grandes rencontres de ma vie. Oui, il n'y a pas de doute. Et de l'écouter aujourd'hui, des dizaines d'années après, je suis au bord des larmes, forcément. Oui, oui. Parce que je l'ai accompagné jusqu'à son lit de mort, oui, absolument. Ouais. Oui. Oui, vous étiez très proche, ouais, effectivement. Très proche, ouais. Et d'autres rencontres avec des mathématiciens comme Henri Cartan, Alexandre Grothendieck. Oui, les mathématiciens, c'est le groupe Bourbaki qui m'a justement fait rentrer dans le monde des mathématiques modernes, vous voyez. Puis ensuite, je m'en suis un peu retiré, bien sûr, parce qu'il y a eu des éléments un peu compliqués dans cette notion des mathématiques, vous voyez. Mais je suis toujours resté une sorte de mystique des mathématiques. Hein. Oui, je trouve que les mathématiques, c'est un palais enchanté, etc. Et qui n'est pas rentré dans ce palais ne peut pas faire de la philosophie, je ne crois pas. Oui, c'est quand même le langage universel et la langue des langues. Il n'y a pas de doute là-dessus. On retrouve toujours ce qu'il y a d'extraordinaire dans les mathématiques, c'est que plus c'est abstrait, mieux ça parle du monde. Plus c'est abstrait, plus c'est concret. Ça, c'est le miracle absolu. C'est-à-dire, ils arrivent à des abstractions absolument impossibles à concevoir, et tout d'un coup, on s'aperçoit que c'est précisément ça dont on a besoin dans tel et tel type de particules, etc., de physique particulière, etc. Oui, oui, le plus abstrait, c'est le plus concret. C'est ça, le miracle des mathématiques. C'est un miracle, hein, absolument. Et alors, votre univers musical, Michel Serres ? Et il est vrai que j'ai écrit un livre musique, mais si vous voulez, je crois bien que c'est un peu parallèle au livre « Yeux ». Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, puisque quand on est philosophe, il faut faire un peu la totalité de la philosophie. J'ai fait quand même un livre sur la sculpture qui s'appelle « Statue », puis un livre sur la musique qui s'appelle « Musique », et « Yeux » est un peu mon livre sur la peinture, vous voyez ? Et les livres en question ne posent pas la question de décrire tel ou tel peintre ou telle œuvre musicale, non pas du tout, mais de se poser la question philosophique toute bête et toute enfantine, mais qu'est-ce que c'est cette bête-là qu'on appelle la peinture, cette bête-là qu'on appelle la musique, etc. C'est très difficile, vous savez. Pour la musique, c'est très difficile parce que la musique, c'est quand même un langage privé de sens. Il n'y a pas de sens. C'est du ressenti, ça vous transporte. Vous êtes plutôt musique classique, musique moderne ? Musique, toutes les musiques, oui, bien sûr. Oui, il n'y a pas de distance entre les musiques, parce qu'il y a des musiques qui vieillissent, au contraire d'autres qui rajeunissent, et ainsi de suite. Et la musique, c'est quand même la mère du langage. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a un secret accord entre musicien et mathématicien, je crois. Alors, je me tourne vers Céline parce qu'elle vous a réservé une petite surprise. Voilà, en fait, le morceau que vous allez entendre a été choisi pour vous par Michel Autier, qui vous partagez le goût des mathématiques. Exactement. Et lui aussi. C'est, il est mathématicien. Voilà, féru de mathématiques. Il est plus que ça, c'est un génial inventeur du point de vue numérique aussi. Oui, bah, voilà ce qu'il vous propose. D'accord. Hongroise en si mineur pour piano de Franz Schubert. C'est la suite. Ouais, c'est magnifique. Hein. Mais c'est magnifique, oui. Suite de la marche des sciences avec vous, Michel Serres, sur France Culture, et donc avec vous, fer de lance, j'ai envie de dire, de tous les savoirs, penseurs du monde de demain, Pantope et Vigie à la fois, et dont le dernier livre s'intitule « Yeux », paru aux éditions du Pommier. Et on peut aussi signaler le livre d'entretien commis avec Sven Ortoli et Martin Legros, Pantopie de Hermès à la Petite Poussette, hein, toujours aux éditions Le Pommier, parce qu'on vous découvre vraiment grandement, et c'est extrêmement bien mené. Et toujours avec nous, Céline Duchesnay, qui a préparé les interviews surprises pour mieux nous faire entrer dans les univers de notre invité. Et tout de suite, justement, un autre témoignage, Céline. Oui, nous allons retrouver Christiane Frémont qui va nous parler d'une autre passion de Michel Serres. Ce qui est frappant aussi, et ça se ressent évidemment dans sa philosophie, dans ses textes, c'est que Michel Serres est un homme du dehors. C'est un homme qui sort, c'est un homme qui aime les fleuves, les montagnes, et la très haute montagne, les plaines, ce qu'il appelle la biogée, dans ce livre qui s'appelle La biogée. Et donc c'est quelqu'un qui n'est pas... qui ne travaille pas simplement avec les livres, qui travaille vraiment avec les choses, le monde ouvert. Alors Michel Serres, haute passion, donc la montagne, les cordées, les refuges. Là, je reviens sur les éléments, l'élément air aussi très présent. Oui, dans lieu justement, je critique une vue des philosophes concernant le savoir. Et ça m'a beaucoup intéressé de reprendre le texte de Platon sur la caverne. Vous vous rappelez de ce texte-là ? Platon dit qu'il faut sortir de la caverne pour voir les choses sous les lumières du soleil. Là, il lance toute... ce mouvement qu'on a appelé la philosophie des lumières, et la lumière, c'est effectivement le savoir, la clarté, la distinction, l'intuition. Bon, oui, mais dans ce cas-là, il n'y a qu'une source de lumière, c'est le soleil. Et vous croyez vraiment qu'il n'y a qu'une source de vérité ? Mais s'il y a une source de vérité, c'est le dogme, c'est l'idéologie, c'est quelque chose d'affreux. Donc le jour n'est peut-être pas le bon modèle du savoir. Mais au contraire, puisque vous parlez du dehors, oui, la nuit. Regardez la nuit. La nuit est constellée d'étoiles. Les étoiles sont toutes différentes. Il y a des supergéantes bleues, il y a des naines jaunes, il y a des rouges. Il y en a même une qu'on appelle la tête de Méduse, qui a toutes les couleurs. Elles sont groupées en constellations. La grande ourse, Cassiopée, etc. Et c'est bien ça, le savoir. Le savoir, c'est une multiplicité d'intuitions différentes. Il y a des vérités mathématiques, topologiques, statistiques, des vérités physiques, etc., des vérités historiques, tout ce qu'on veut. Et d'autre part, elles sont groupées en constellations, en effet. Il y a la constellation mathématique avec plusieurs constellations, en effet, la constellation physique, etc. Et surtout, toutes ces lumières-là qui scintillent et qui m'apprennent mille sortes de vérités, elles scintillent sur un fond extraordinaire qui est le fond noir du non-savoir. Et qui ne demande qu'une chose, c'est d'être exploré, parce que plus on l'explore, plus on découvre qu'il y a de plus en plus de galaxies, de plus en plus de lumières, de plus en plus d'étoiles. Par conséquent, le vrai modèle de la science, c'est pas le jour, avec son unique soleil, qui est l'idéologie la plus absurde et même la plus destructrice, c'est la nuit. Donc la nuit, source de multiples lumières. De multiples lumières, de multiples intuitions, etc., et de vérités variées, voilà. Et le feu, alors Michel Serres, le feu, l'action. Je vous fais d'abord écouter quelque chose et vous allez comprendre où je veux en venir. Alors, je vous donne un petit peu plus d'éléments. Musique, ambiance de stade de Wembley en 1999. Alors, il y a un petit piège, hein. Wembley, normalement, c'est un stade de football. Mais là, c'était l'équipe de rugby du Pays de Galles qui a joué quand le stade de l'Arms Park était en travaux en vue de la Coupe du Monde de rugby en 1999 qui s'était jouée au Pays de Galles et en Angleterre. Parce que je veux en arriver au rugby. Oui, ce qui est extraordinaire dans ce que vous venez d'entendre, c'est le bruit de fond. C'est une espèce de grésillement, vous voyez, de bruit de fond, tel qu'on peut l'entendre même dans un circuit électrique. Quand le circuit électrique ne bouge pas, on entend grésiller les atomes. Et ce bruit de fond, c'est le bruit de fond des choses, c'est le bruit de fond du monde, mais tout d'un coup, c'est le bruit de fond des humains. Ça grésille, c'est comme s'il y avait des milliers d'atomes qui s'entrechoquaient, vous voyez. Et ça, ce bruit de fond, c'est quand même notre expérience fondamentale. Je crois qu'avant la musique, qu'avant le langage, il y a le bruit de fond. Qu'avant le savoir, il y a ce hasard comme ça, ce chaos, ce tohu-bohu. Vous savez, dans la Genèse, c'est le tohu-bohu qui précède même la création divine, vous voyez. C'est le tohu-bohu primitif. Et ce bruit de fond, c'est peut-être l'expérience fondamentale de l'acoustique, de la vue, etc., et peut-être du savoir. Oui, je crois que ce bruit de fond est fondamental. C'est peut-être la matière numéro un de la philosophie avant même qu'elle commence à parler. Oui, le bruit de fond. Dorénavant, pour ceux qui iront dans les stades et pour peut-être assister à des rencontres, ils n'entendront plus les choses de la même façon, j'imagine. Oui. En tout cas, vous avez été élu à l'Académie du rugby à 15 à Agen en 2004. Oui, c'est une élection dont je suis beaucoup plus fier que toutes les autres académies du monde, bien entendu. Oui, j'ai joué à ce jeu, j'ai beaucoup d'admiration pour... Et voilà. Agen, c'est votre équipe. Agen, c'est ma ville de naissance que j'aime toujours beaucoup. Elle a une équipe de rugby, elle est connue pour deux choses, pour ses pruneaux et pour son rugby. Mais j'adore ses pruneaux aussi. Et le rugby, donc vous continuez à assister à des matchs? Oui, ça m'arrive en effet. Pour l'ambiance aussi, j'en imagine. Alors, vous avez été un des premiers, Michel Serres, à faire de l'écologie une urgence fondamentale. Je crois que c'est important parce que c'est vrai que vous dites finalement, pourquoi pas un contrat naturel, pour un droit de la nature aussi peut-être à se défendre quelque part. Le polluer, c'est s'approprier. En tout cas, c'est là toute la question cruciale du bien commun. Et vous nous dites, si on devait entendre le bruit du monde aujourd'hui, vous voyez, un autre bruit dont on parle, eh ben, on entendrait « Mayday, Mayday ». Oui, c'est ça. C'est-à-dire, quand j'ai écrit le contrat naturel, en effet, il y a déjà presque 30 ans, n'est-ce pas ? Oui, 25 ans. Oui, mais vous étiez déjà en avance sur toutes ces problématiques-là. Oui. Les gens en parlaient très peu et ça fait beaucoup de scandales parce qu'en effet, les philosophes disaient « Mais enfin, qu'est-ce que c'est ce contrat naturel ? La nature n'a pas de main pour signer un contrat avec les hommes, vous voyez ?» Et je répondais « Mais quand Rousseau a inventé le contrat social, la société n'a pas de main pour signer ce contrat-là, vous voyez, bien sûr. Mais depuis que le contrat naturel a été publié, beaucoup de juristes commencent à penser que, en effet, le droit doit être un peu transformé, et on commence dans divers pays, à avoir des transformations du droit sur cette question-là. Et c'est très intéressant. On peut imaginer aujourd'hui des procès, je ne sais pas, mais parc naturel contre tel pollueur, vous voyez ce que je veux dire ? Et le parc naturel étant une personne morale, a le droit d'ester contre telle et telle chose. Et donc, peu à peu, le droit se transforme, et dans l'histoire du droit, il y a des changements qui sont partis un peu, en effet, de cette idée, qui est une idée de philosophie du droit. Hein. Quand on pense à ce que c'est qu'un sujet de droit, dans l'Antiquité, il n'y avait de sujet de droit qu'un adulte mâle, etc. Et puis, peu à peu, on a donné cette propriété d'être sujet de droit aux femmes, ça a été très tardif, hélas, pour les femmes, aux enfants, aux fœtus, aux vieillards, etc., aux gens colonisés qui n'avaient pas de droit non plus. Donc, peu à peu, il y a eu une déclaration universelle des droits de l'homme. Mais c'est toujours l'homme. Et aux animaux, et on alors, a encore vu peu ça récemment. Peu à peu, l'idée que je défendais, c'est d'élargir la notion de sujet de droit aux habitants de la nature, à tous les autres. Et peu à peu, le droit s'y met, peu à peu. Il y a des avancées dans ce sens qui sont vraiment significatifs aujourd'hui. Alors, autre sujet qui vous tient à cœur, je le sais, Michel Serres, c'est l'histoire. L'histoire est à repenser et on peut se poser aussi la question, dans la marge des sciences, de la place de l'histoire des sciences aujourd'hui. Oui. Alors, l'histoire des sciences, ce qui a été ma spécialité toute ma vie, bien sûr, qui a été mon domaine d'enseignement, m'a appris quelque chose. Je vais vous raconter. Un jour, les gens de l'Académie des sciences m'ont invité à faire un exposé. J'avais pas un poil de sec, évidemment, devant tous ces prix Nobel et ces spécialistes remarquables. Et tout d'un coup, je leur ai dit, ben, merci beaucoup de m'avoir appris tant de choses, mais vous m'avez appris surtout une chose, et une seule chose. Et que vous soyez astrophysicien, que vous soyez biologiste, que vous soyez biochimiste, que vous soyez mathématicien, vous m'avez appris qu'une chose. Et que, depuis quelques années, vous êtes arrivé à dater vos objets. Vous, astrophysiciens, vous savez dater l'origine de l'univers, vous savez dater l'origine des étoiles, etc. Vous, les historiens naturels, vous savez dater l'origine et la disparition des espèces. Vous savez dater au carbone 14, etc. Bon, aujourd'hui, donc, on a une universelle datation. Et du coup, dès lors qu'on a une universelle datation donnée par les sciences, donnée par la véritable histoire des sciences, vous voyez, et on s'aperçoit qu'on peut enchaîner ces datations et créer ce que j'ai appelé le grand récit. Et le grand récit qui est l'histoire universelle, qui parle il y a 15 milliards d'années, c'est-à-dire au Big Bang, 4 milliards d'années, la formation de la Terre par accrétion, 3 milliards 800 millions d'années, l'arrivée de la vie, c'est-à-dire des molécules qui se répliquent, puis l'arrivée des espèces, l'évolution, etc., l'arrivée des humains, des humanoïdes, etc. Et donc, tout ça, c'est une histoire que l'histoire ordinaire ne raconte pas, puisque elle, là aussi, il y a un narcissisme humain. Voyez, c'est-à-dire, on raconte que l'histoire de l'homme, et même mieux que ça, après l'écriture, après l'invention de l'écriture. Mais qu'est-ce qui se passait avant l'écriture ? Heureusement qu'il y a la préhistoire, heureusement qu'il y a l'anthropologie, etc. Voyez. Et donc, l'histoire est assez resserrée sur ce point, et elle est définie un peu par un ensemble d'oublis. D'oubli du monde, d'oubli des animaux, d'oubli des vivants, d'oubli, etc. Voyez. Donc, finalement, et donc là, c'est un élargissement comme ça de l'histoire, si bien que Petite Poucette, mon successeur, va avoir dans le dos un passé que n'avaient pas ses prédécesseurs. Ses prédécesseurs avaient un passé historique derrière eux, 4000, 8000 ans, 10000 ans, quelque chose comme ça, et jusqu'à là, 15 milliards d'années. Donc elle a changé de monde, elle a changé de temps, elle a changé de durée, elle a changé d'histoire, vous voyez. Et donc, y a là un changement de culture considérable. Donc, si on vous suit, Michel Serres, finalement, ce n'est pas l'histoire des sciences qui est dans l'histoire. Hein. Non. C'est l'histoire qui est dans l'histoire des sciences. Exactement, exactement. C'est-à-dire que dans ce processus universel de datation, on est arrivé à ce prodige extraordinaire de créer une nouvelle histoire, un nouveau temps, vous voyez. Un nouveau temps qui était... un peu chaotique au 19e, on ne savait pas vraiment associer le temps de la thermodynamique avec le temps, etc. Maintenant, peu à peu, on arrive à recoudre les morceaux et aboutir à un grand récit, qui est un récit, qui n'est pas une déduction mathématique, parce que c'est pas déterministe, c'est chaotique. C'est-à-dire, dans cette histoire, il y a des coups fumants, des coups extraordinaires. Il arrive telle chose qui était inaperçue, qui était inattendue. Donc, c'est une histoire au sens presque littéraire, vous voyez, on raconte, c'est pour ça que j'ai dit récit, oui. C'est un grand récit. Et je l'ai dit un peu pour me moquer un peu des philosophes qui avaient dit que les postmodernes, vous rappelez, c'était la fin des grands récits. Hein, c'était drôle, ils disaient la fin des grands récits, au moment même où ce grand récit se mettait en place grâce aux sciences. Et alors ce qui est aussi intéressant dans votre pensée, dans votre position, Michel Serres, par rapport à l'histoire, c'est que vous dites que finalement, ce ne sont pas Mao ou Staline, par exemple, qui font l'histoire notamment, hein, mais chaque individu. Les petits personnages, parce qu'on les oublie, mais ces petits personnages, et qu'on découvre largement dans l'histoire des sciences. Vous citez l'obstétricien austro-hongrois Semmelweis, qui lutta contre les fièvres puerpérales par l'hygiène, Évariste Galois, et sa théorie des groupes en maths, Alfred Wegener, le climatologue allemand, et la théorie des plaques. Oui, c'est petites gens, finalement, les individus qui font l'histoire. Oui, je crois. C'est ce que j'ai appelé dans le grand récit les bifurcations. C'est-à-dire, ça ne se voit pas. Lorsque Mendel fait sa théorie des petits pois, vous rappelez, sur la génétique des petits pois, il fait des articles et ils ne sont jamais lus. D'ailleurs, François Jacob le raconte, il dit, je suis allé dans beaucoup de bibliothèques, les articles de Mendel n'étaient pas lus, vous voyez, n'étaient même pas coupés, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça disparaît. L'inventeur disparaît souvent, Évariste Galois disparaît, etc. Et la thèse de médecine de Louis-Ferdinand Céline porte sur Semmelweis, et Semmelweis était un obstétricien de Vienne, qui a eu l'idée à un moment, parce que il est couché dans deux hôpitaux. Un hôpital tenu par des bonnes sœurs, un hôpital tenu par les étudiants en médecine. Et dans les hôpitaux tenus par les étudiants en médecine, les femmes mouraient 10 fois plus que sous les bonnes sœurs. Vous ne pouvez pas imaginer que c'est parce qu'elles priaient qu'elles mouraient. Alors, il s'est aperçu que les étudiants en médecine accouchaient les femmes après avoir découpé les cadavres, sans se laver les mains. On ne s'imagine pas. Et alors il a dit, mais lavez-vous les mains. Et du coup, dès le moment où ils se sont lavés les mains, les femmes ne mouraient plus. Alors il a donc découvert l'hygiène bien avant qu'on découvre les microbes. Et par conséquent, là aussi, c'est un inventeur de génie, mais qui a été absolument réprouvé par toute la communauté des médecins de l'époque. C'est étrange, n'est-ce pas? Les inventeurs, non seulement ils arrivent sur les pattes de colombes, n'est-ce pas, ou comme des voleurs dans la nuit, mais on les méprise généralement, oui, je crois. Donc c'est bien de les remettre à leur place dans cette grande histoire, dans ce grand récit, Michel Serres. Allez, je me tourne vers vous, Céline, parce qu'il y a ce rituel à la fin de l'émission de La Marche des Sciences, qui est de faire entendre une question posée par un, justement, des participants. D'accord. Et là, Céline... Et là, c'est une question qu'a choisi de vous poser Michel Autier, et qui, pour l'occasion, m'a demandé de le rejoindre dans un lieu précis, à l'acoustique toute particulière. Donc on écoute Michel Autier. Alors, on se trouve dans un endroit, tu l'entends, où il faut parler bas. Donc, on est dans une église. On est devant le symbole même de la démonstration scientifique. Donc, on voit en ce moment le pendule de Foucault alternée devant nous, lentement, majestueusement. On dit souvent, devant le pendule de Foucault, on voit la Terre tourner. Alors moi qui suis naïf et simpliste, je vois tout ce qu'on veut, des objets, de la lumière, des colonnes, mais une chose que je ne vois certainement pas, c'est la Terre tourner. Alors je me dis, où est l'œil qui voit la Terre tourner ? C'est extraordinaire, en effet, comme question, parce que c'est la question de Galilée. Et pourtant, elle tourne, vous vous rappelez. C'est-à-dire, en effet, on ne voyait pas la Terre tourner, puisqu'on voyait le Soleil se déplacer. Et donc, il faut changer de regard, changer d'yeux, n'est-ce pas, pour voir la Terre tourner. Ça me rappelle, à côté de la faculté de Stanford, il y a une colline qu'on appelle le Dish, qui est couronnée par un observatoire astronomique, vous savez, une sorte de panier extraordinaire, qui est un vieux panier de l'époque où l'astrophysique commençait. Et de temps en temps, pour le réparer, on le fait tourner un peu. Et un jour, et sur cette colline, on fait du jogging un peu. Ouais. J'y allais tous les jours. Et il y a une étudiante qui arrive, qui me prend par le bras, qui me dit « Regardez, regardez, le panier tourne. » Je lui dis « Mais mademoiselle, vous vous trompez. » « Pas du tout, le panier ne tourne pas, c'est la Terre qui tourne. » Elle m'a regardé comme si j'étais complètement fou. Et effectivement, j'ai essayé de lui faire le coup de Galilée, évidemment. Mais évidemment, ça n'a pas marché, bien sûr. Et là, Michel Autier me fait le coup de Galilée, exactement. C'est-à-dire changer de regard. Et dans le lieu, c'est ça que je propose, justement. C'est de changer de regard, non pas seulement pour des questions d'astronomie, là, mais simplement du monde. C'est changer de regard pour donner le regard, et le regard actif, et pas seulement passif, aux animaux, aux bêtes, aux plantes, etc. Et pour que le monde entier se reconstruise, non pas sous nos yeux, mais sous les yeux de tous. Voilà. C'est changer le regard, voilà. Changer le site, etc. Changer le regard. Alors dites-nous, Michel Serre, il y a une question qui me taraude un petit peu, parce que dans votre livre d'entretien avec Martin Legros et Sven Ortoli, donc Pantopie, les auteurs écrivent que vous êtes un être éminemment contrasté, pour ne pas dire déchiré. Ça m'oblige à faire presque une confession. C'est-à-dire que je suis un homme qui est né en 1930 et qui est né après la Première Guerre mondiale, dans les souvenirs de cette abominable boucherie, qui était abominable, abominable. Mon père avait fait Verdun 750 000 morts, vous voyez. Non, mais on peut pas... commémorer une chose pareille me paraît presque obscène, vous voyez. C'est abominable. Et mes premiers souvenirs, c'est la guerre d'Espagne. Oui, c'était arrivé dans le sud-ouest, mon sud-ouest natal, les réfugiés des Blancs et des Rouges qui racontaient une histoire abominable. Puis ensuite, trois ans après, ça a été les réfugiés du Nord qui arrivaient dépenaillés de la Blitzkrieg. Vous voyez. Cette guerre, ça a été ensuite Hiroshima, Nagasaki, Auschwitz, bon. Et ensuite, ça a été les guerres coloniales et j'ai donc dû, moi, sous les drapeaux, participer à la guerre d'Algérie, j'ai même participé à l'expédition de Suez, etc. Donc pour moi, c'était la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, tout le temps. Et la science dans la guerre aussi. Et Hiroshima a fait de moi un philosophe, vous voyez, parce qu'effectivement, nous étions tous plus ou moins naturellement scientistes, c'est-à-dire la science était pour nous toute bonne et seule bonne. Et tout d'un coup, elle produisait ça. Hiroshima et Nagasaki. Et la génération entière a été bouleversée par cette affaire, déchirée par cette affaire. Et vous parlez de Jacques Monod. Eh bien, tous les biochimistes de cette époque, il y en avait beaucoup qui étaient des physiciens qui ont quitté la physique à cause d'Hiroshima et Nagasaki. Vous voyez ce que je veux dire? Et par conséquent, là, ça a été un coup terrible porté. Et c'est pour ça que j'ai écrit la Thanatocratie à un certain moment pour essayer de dire il y a obligation d'inventer une morale scientifique, une sorte d'éthique des sciences, vous voyez. Et j'ai été le premier à le dire. Et d'ailleurs, avec certains amis, on avait même créé un serment des scientifiques, un peu comme un serment d'Hippocrate, vous savez, pour les médecins, pour essayer de réparer cette affaire-là. Vous voyez. Et donc là, il y a une sorte de formation, si vous voulez, dans la violence, la guerre, les morts, etc. Et puis cette arrivée de la paix. Donc ça fait une formation très, très... Ouais. C'est un peu ça. Enfin, c'est mon histoire, voilà. Et alors, aujourd'hui, Michel Serre, est-ce que vous diriez que cette science, justement, on doit continuer à s'en méfier ? Non. Il y a un problème, c'est-à-dire je crois que le balancier aujourd'hui est allé de l'autre côté. C'est vrai qu'il y a eu des ennuis, il y a eu des ennuis avec Hiroshima, Nagasaki, il y a eu des ennuis avec ces vaisseaux, il y a eu des ennuis avec la biochimie, il y a eu des ennuis un peu partout, et c'est pour ça que la vigilance est importante, qu'il peut exister une morale, une éthique des sciences, une déontologie des savants, oui, ça c'est sûr. Mais de dire à partir de là que la science est mauvaise, ce que beaucoup de gens aujourd'hui disent, et c'est une catastrophe en France, je trouve que actuellement il y a une mentalité générale anti-science qui me fait peur, comme si on retournait à un âge des ténèbres. Vous voyez, remarquez, je viens de faire l'éloge des ténèbres, vous me direz. Là aussi, c'est le balancier, vous voyez, ça contrebalance. Oui, oui. Bon, merci Michel Serres. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Oui, j'étais très impressionné par votre émission, surtout que je n'ai pas l'habitude d'en parler de moi comme ça, c'est très difficile. Merci beaucoup. Merci à vous, et je rappelle le titre de votre dernier livre, Yeu, paru aux éditions Le Pommier, et également celui avec Sven Ortoli et Martin Legros, Pantopie de Hermès à la petite poussette, toujours aux éditions Le Pommier, et puis bien tous les autres livres, on pourra les retrouver aussi sur le site de l'émission de la Marche des Sciences. Merci encore. Merci beaucoup. Merci. Et un grand merci aussi à Céline Duchesnay. C'est la fin de ce grand portrait de La Marche des Sciences, une émission préparée avec Catherine Donnet, Anaï Morales et Sandra Escamez de l'INA. Merci aussi à Sophie Bancard. Toutes les informations et tous les liens sont à retrouver sur la page de La Marche des Sciences. Vous pouvez réécouter l'émission pendant 1000 jours ou bien la télécharger pendant un an. À la réalisation, Alexandra Malka, et à la technique, Jean-Louis De l'oncle, la semaine prochaine, nous parlerons physique nucléaire et vie de famille avec la physicienne Hélène Langevin, petite fille de Marie Curie et fille d'Irène et Frédéric Joliot-Curie. Il faut avouer que j'avais à la fois l'avantage et l'inconvénient d'être bonne élève partout, y compris en gymnastique. Point qui intéressait beaucoup ma mère. Quand elle regardait les résultats, un prix de maths ou un prix de gymnastique, je n'avais pas du tout le sentiment que, un, c'était extrêmement important d'être première, mais deux, qu'il y avait une hiérarchie entre les deux questions. Parce que le sport aussi fait partie de la famille Curie. Absolument, et c'est même très important. Pas du sport de compétition, mais ça commence avec les Curie qui trouvent que les enfants doivent avoir le temps d'aller dans la nature, de se dépenser physiquement. Et c'est ce qui se passait notamment en Bretagne, à l'Arquest. Oui, pour nous, lieu de résidence de la famille. Dans ce lieu merveilleux qui est l'Arquest en Bretagne. Et oui. Mes parents ne sont pas vraiment intervenus pour dire « en tout cas, tu seras chercheur ». Non, j'aurais été, comme je l'imaginais à un moment, historienne ou autre chose, pourquoi pas. Mais quand même, c'est vrai que la physique nucléaire, pas à cause de la bombe, mais à cause des progrès fantastiques qui avaient été faits dans l'immédiate avant-guerre, c'était, comme on dit, une discipline de recherche, alors disons les choses, à la mode. Et donc, d'une certaine façon, j'ai peut-être cédé à la mode à un moment donné. J'en ai pas été malheureuse d'ailleurs, parce que j'ai trouvé ça passionnant. Et je me permets de dire que j'ai vécu, je dirais, complètement la transition entre le moment où on peut encore faire des expériences seules ou à une ou deux personnes, et le moment, quand j'ai arrêté une dizaine d'années après ma retraite, de participer à des expériences, où il faut se mettre à 25, préparer les choses très longtemps à l'avance, demander le droit d'avoir un temps de faisceau pour pouvoir travailler, etc. Toute cette période, bien, mon choix a peut-être été dicté sans préjuger autant de changements. Mais j'y ai pris plaisir, même avec les changements, en y trouvant d'autres joies, celle de travailler en fait avec des grandes équipes. Hélène Langevin, la physique nucléaire en héritage, c'est donc votre rendez-vous grand portrait de scientifique de samedi prochain. D'ici là, autre rendez-vous à ne pas rater. Dans un instant, Nazawiyat de Charlotte Bien-Aimée. Bonne journée à tous au fil de l'été et de vos pensées.